Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 11e. Champlain et les Algonquins, 1613. Règlement désiré par Champlain au sujet de la traite. Demande de protection au président Jeannet. Mémoire qui lui est présentée. Le comte de Soissons, nommé commandant en la Nouvelle-France et lieutenant général du pays. Sa mort. Henri de Condé lui est substitué. Champlain, son lieutenant. Frette plusieurs navires pour le Canada. Départ de Honfleur. Tadoussac. Les Montagnais. Champlain se rend au Sault Saint-Louis pour la traite. Puis, il remonte la rivière des Outaouais avec l'idée de se rendre jusqu'à la mer du Nord. Nomme le lac de Soissons. Chute de la Chaudière. Nibashi. Tessouat. Algonquin de l'île des Allumettes. Séjour de Champlain chez eux. Imposture du français Duvignan. Champlain renonce à son voyage de la mer du Nord. Retourne à Québec, puis passe en France. Le fondateur de Québec énumère, au début de la relation de son quatrième voyage au Canada, les motifs qui l'engagèrent à poursuivre aussi persévéramment ses découvertes. « Le désir que j'ai toujours eu, dit-il, de faire nouvelles découvertures à la Nouvelle-France, au bien, utilité et gloire du nom français, ensemble d'amener ces pauvres peuples à la connaissance de Dieu, m'a fait chercher de plus en plus la facilité de cette entreprise qui ne peut être que par le moyen d'un bon règlement. » Ce règlement, si désiré par Champlain, eut sans doute mis fin au désordre que nous avons déjà signalé à maintes reprises. Tous les embarras venaient des marchands, dont l'avidité atteignait des proportions fabuleuses. Les uns mettaient une telle ardeur dans le commerce avec les sauvages qu'ils partaient de France avant l'époque ordinaire afin d'arriver les premiers à Tadoussac. Bien souvent, dans leur précipitation à vouloir s'emparer de tout le trafic, ils payaient plus que la valeur des fourrures. Ce triste état de choses durait depuis plusieurs années déjà, mais lorsque Champlain vint au Canada et que les marchands s'aperçurent qu'ils pouvaient faire le commerce pour le compte de la compagnie, avec d'autant plus de chances d'être mieux servis, qu'ils s'étaient fait amis personnels des sauvages, ils redoublèrent d'activité et lui firent une lutte acharnée. Champlain avait mis sous les yeux de M. Demont la conduite inqualifiable de ces trafiquants qu'ils traitent d'étrangers. Nous avons été témoins des marches du chef de la société en dissolution et de ses représentations infructueuses à la cour, le tout se terminant par l'abandon de l'entreprise. C'est alors que Champlain résolut de s'adresser au président Jeannet, qu'il savait être bien disposé. Il n'était pas du nombre de ceux qui prétendaient alors que les Français n'avaient ni la persévérance ni la prévoyance requise à telle chose et qui, ordinairement, ne portaient leur esprit, vigueur et courage qu'à ce qui leur est proche, prompt et présent. Un long mémoire sur la condition du Canada et de ses habitants indigènes lui fut présenté par Champlain, qui reçut des félicitations et des encouragements. Mais, afin de ne pas induire son protégé en erreur, Jeannet lui fit entrevoir que les gens qui aiment à pêcher en eau trouble trouveraient son règlement inopportun et s'évertueraient à le faire rejeter. Champlain eut l'heureuse espération d'aller se jeter dans les bras d'un homme puissant, capable de repousser les complots de ceux à qui son règlement pourrait porter ombrage. Ses regards s'arrêtèrent sur Charles de Bourbon, comte de Soissons, alors gouverneur du Dauphiné et de Normandie. M. de Beaulieu, conseiller et aumônier ordinaire du roi, servit d'intermédiaire entre lui et le prince et lui fit ouvrir toutes les portes de son cabinet. Champlain lui remontra l'importance de son affaire, les malheurs qu'elle avait déjà subis et la ruine dont elle était menacée au grand déshonneur du nom français. Le comte l'écouta avec attention, fit un examen minutieux de la carte du pays, et conclut l'entretien en lui promettant sa protection pourvu toutefois que le roi n'y mit pas d'empêchement. Champlain adressa sur le champ une requête bien libellée au roi et à sa cour, demandant un règlement spécial, sans quoi la colonie courait une perte certaine. La réponse fut la nomination du comte de Soissons pour diriger et gouverner la Nouvelle-France. Ces lettres patentes datent du 8 octobre 1612. Une semaine plus tard, Champlain recevait sa commission de lieutenant, du nouveau gouverneur et lieutenant général. Mais la mort du comte de Soissons fut cause que l'affaire fut un peu différée. Le roi le remplaça bientôt par Henri de Condé, avec le titre de vice-roi de la Nouvelle-France, lequel honora Champlain de sa lieutenance. Condé jouissait d'un grand prestige à la cour, et il aurait pu l'utiliser pour rendre service à la colonie, mais, ayant suscité des embarras à la régnante Marie de Médicis, il se vit enlever tout son crédit et fut peu utile au pays. Suivant les justes prévisions du président Janin, les marchands s'interposèrent pour empêcher la promulgation des nouveaux pouvoirs conférés à Champlain. Il prétendait même faire casser sa commission sous prétexte d'intérêt général. Mais leur réclamation était injuste, car il restait avec la peine et entière liberté de faire partie d'une association qui était ouverte à tout le monde indistinctement. Aussi furent-elles rejetées comme elles le méritaient. Voyant qu'il serait impossible, pour cette année, de jeter les bases d'une société, Champlain se contenta d'affréter 4 navires et résolut de se rendre au Canada avec des passeports de Condé. Les capitaines de ces vaisseaux s'étaient engagés à lui fournir chacun 4 hommes pour l'aider dans ses découvertes et dans les guerres qu'il pourrait être appelé à faire, de concert avec les sauvages alliés. 3 de ces vaisseaux attendaient à Rouen le signal du départ et le 4e était à La Rochelle, tout prêt à mettre la voile. Champlain avait terminé ses préparatifs lorsqu'il fut informé que la cour du Parlement de Rouen s'opposait à la publication de sa commission, d'abord parce que les Malouins s'y refuseraient, et puis le roi s'était réservé de prendre connaissance de tous les différends qui pourraient surgir à cette occasion. Ces tracasseries obligèrent Champlain à faire 3 voyages de Paris à Rouen jusqu'à ce qu'enfin il obtint des lettres du roi qui furent cause que la cour débouta les Malouins de leurs prétentions. La commission de Champlain fut donc publiée dans tous les ports de Normandie. En passant par Rouen, Champlain prit avec lui le capitaine Lange, qui devait l'accompagner dans ses découvertes et même à la guerre, si l'occasion s'en présentait, et tous deux se rendirent à Honfleur, prendre passage sur le navire de Pontgravé, l'infatigable voyageur. Le départ eut lieu le 6 mars, par un vent favorable. La traversée fut longue, quoique peu orageuse. Cependant, le 15 avril, il s'éleva un vent formidable qui fit périr plusieurs vaisseaux sur les côtes de l'île du Cap-Breton, mais celui de Pontgravé résista à la tourmente et le 29 du même mois, il venait ancrer à la pointe aux Vaches. Les montagnais ne l'eurent pas plus tôt aperçu qu'ils coururent à son bord sur leur pirogue. Ils commencèrent par demander du pain, disant qu'ils se mouraient de faim. De fait, ils étaient si maigres et si hideux que Champlain eut de la peine à les reconnaître. « Quand ils furent dans notre vaisseau, » rapporte Champlain, « ils regardaient chacun au visage, et comme je ne paraissais point, ils demandèrent où était M. de Champlain. On leur fit réponse que j'étais demeuré en France. Ce qu'en est croyant du tout, il y eut un vieillard qui vint à moi en un coin où je me promenais, ne désirant encore être connu, et me prenant l'oreille, car il se doutait qui j'étais, vit la cicatrice du coup de flèche que je reçus à la défaite des Iroquois. Alors il s'écria, et tous les autres après lui, avec grande démonstration de joie, disant « Tes gens sont au port de Tadoussac qui t'attendent. » Ces pauvres diables étaient heureux de revoir leur ami, leur soutien dans la paix comme dans la guerre, dans la mauvaise comme dans la bonne fortune. Après une absence de 2 ans, Champlain, de son côté, dut éprouver une certaine émotion à la vue de ces malheureux dont la misère avait bouleversé les traits, au point de les rendre méconnaissables. Ce même jour, Boyer, capitaine d'un des vaisseaux rouennais, qui avait quitté la France avant celui de Pontgravé, vint mouiller dans la rade de Tadoussac. Le lendemain, 30 avril, il en arriva 2 autres de Saint-Malo, commandés par les sieurs de la Moinerie et de la Tremblay. Ils étaient partis avant que la commission de Champlain fût publiée en Normandie. Champlain se rendit à leur bord avec Pontgravé, et leur donna officiellement communication des défenses portées par le roi au sujet de la traite. Les Malouins firent réponse qu'ils étaient sujets et fidèles serviteurs du roi et qu'ils obéiraient à ses commandements. Champlain fit aussitôt attacher à un poteau, dans le port, les armes de Sa Majesté, ainsi que sa commission, pour la gouverne de ceux qui passeraient par là, afin que personne ne pût prétexter l'ignorance. Le deuxième jour de mai, Champlain et Lange prirent une chaloupe pour se rendre à Québec, et de là, au Sault Saint-Louis. Le mauvais temps faillit les faire périr près de l'île d'Orléans. Une chaloupe appartenant à l'un des navires de Saint-Malo chavira sous leurs yeux. On n'arriva à Québec que le 7. Tous les hivernants paraissaient en bonne santé. Aucune maladie n'avait sévi parmi eux durant la saison du froid. L'hiver n'avait pas été rigoureux. Les arbres commençaient à se couvrir de feuilles et les champs à s'émailler de fleurs. C'était un printemps précoce, comme on n'en voit plus de nos jours. Le 13, Champlain continua sa route jusqu'au Sault Saint-Louis, où en arrivant, le 21, il sut par les gens d'une de ses barques en quête de traite qu'un parti d'Algonquins tout récemment arrivé de la guerre au pays des Iroquois s'en retournait avec deux prisonniers. Les Français leur avaient appris la nouvelle de l'arrivée de Champlain, qui se préparait à les accompagner à la guerre, et puis à les suivre chez eux, suivant en cela les promesses faites de part et d'autre 2 années plus tôt. Ces sauvages promirent de redescendre de leur pays avant le milieu de la première lune et laissèrent pour gage de leurs paroles leurs rondaches de bois et de cuir d'élan et une partie de leurs flèches et arcs. 3 jours plus tard, arrivèrent des canots chargés d'Algonquins qui racontèrent que les mauvais traitements qu'ils avaient eus à subir de la part des marchands français l'année précédente avaient détourné leurs compatriotes du commerce avec eux. Quant à Champlain, il ferait peut-être mieux de ne pas aller dans leur pays parce que des envieux lui avaient fait tort dans l'esprit des sauvages et en outre, son absence prolongée avait été cause que les Algonquins, désespérant de le revoir, avaient été obligés d'entreprendre seuls une guerre difficile et dangereuse. Il y avait dans le rapport de ces sauvages une triste nouvelle dont la réalisation pouvait nuire aux trafiquants. C'était au sujet de la traite et de la détermination de la part des Algonquins de n'en plus faire. Champlain comprit qu'il devait se rendre chez ces nations. Tout en agrandissant le cercle de ses découvertes, il leur ferait connaître les avantages qu'ils avaient de conserver intactes leurs relations de commerce et d'amitié avec les Français. Pour réaliser ce dessein, il leur demanda 3 canots et autant de guides. Quelques présents, distribués à propos, les décidèrent à lui prêter 2 canots avec un seul guide. Champlain prit 4 Français avec lui, entre autres le nommé Nicolas Duvigneau, le plus impudent menteur qui se soit vu de longtemps. Ce mauvais garnement était l'un de ceux qui avaient hiverné chez les sauvages et auxquels Champlain avait confié une mission spéciale avec un mémoire particulier des choses qu'il devait observer étant parmi eux. Pendant que Champlain était en France, Duvigneau avait quitté le pays et, un jour de l'année 1612, il arrivait à Paris avec une abondance de détails qu'il prétendait avoir recueillis pendant son séjour chez les sauvages du Nord. Il avait raconté à Champlain qu'il avait vu la mer du Nord, qu'on pouvait s'y rendre du Sault Saint-Louis en 17 jours par la rivière des Algonquins. Cette nouvelle avait réjoui Champlain, qu'il crut avoir trouvé, bien près, ce qu'il était disposé à chercher bien loin. Mais celui-ci eut des doutes sur la véracité de Duvigneau et il le conjura de lui dire la vérité, lui promettant une bonne récompense si sa relation était vraie, mais le menaçant de le faire pendre si elle était mensongère. Duvigneau renchérit encore, et comme preuve de son dire, il remit à Champlain une description écrite du pays qu'il prétendait avoir visité. Le tout avait une telle apparence de vérité que Champlain crut utile de communiquer ses renseignements au chancelier de Sillery, au maréchal de Brissac, au président Jeannin et à d'autres seigneurs de la cour qui tous, d'une voix commune, conseillèrent à Champlain d'aller au pays en question. Le capitaine Georges, marchand de La Rochelle, se chargea de ramener Duvigneau au Canada sans lui payer de salaire. Voilà comment il se fait qu'on le retrouve au Saint-Saint-Louis, prêt à se mettre en route pour la mer du Nord sur un des canaux algonquins. Avant que de partir, Champlain le prit sérieusement à partie. Il lui exposa tous les dangers de ce voyage et le supplia de lui dire franchement ce qu'il connaissait afin qu'il n'entreprît pas un voyage inutile. Duvigneau jura sur sa vie qu'il n'avait rien à retrancher de ses récits. Le départ se fit le 27 mai de l'île Sainte-Hélène au bruit du canon. L'expédition se composait de 6 personnes. Champlain, un sauvage, 4 Français dont Duvigneau et un nommé Thomas qui devait servir d'interprète. Le 29, On franchit le sault Saint-Louis au moyen de portage. Deux lieues plus loin, on entra dans un lac de 12 lieues de circonférence où viennent se décharger trois rivières, l'une venant de l'ouest du côté des Hurons, l'autre du sud et la troisième du nord qui circule le pays des Algonquins, des Népicériniens et d'autres peuplades inconnues. Sur les 3 heures du soir, 30 mai, les canots entrèrent dans cette dernière rivière et les voyageurs passèrent la nuit sur une petite île à son entrée. Le lendemain, on franchit le lac des Deux Montagnes, que Champlain nomma le lac de Soissons. Il fallut ensuite sauter plusieurs rapides, et parfois, la forêt bordant le rivage était tellement épaisse qu'ils furent obligés de marcher dans l'eau, traînant après eux leurs canots avec des cordes. Champlain faillit se noyer dans ce trajet. Si je ne fusse tombé favorable entre deux rochers, le canot m'entraînait. D'autant, dit-il, que je ne pus défaire assez à temps la corde qui était entortillée alentour de ma main, qui me l'offensa fort et me la pensa couper. En ce danger, je m'écriai à Dieu et commençai à tirer mon canot qui me fut renvoyé par le remous de l'eau qui se fait en ses sauts. Et l'or étant échappé, je louai Dieu, le priant de nous préserver. Après avoir pris un repos bien gagné, nos voyageurs continuèrent à remonter la rivière des Algonquins. La première rencontre fut celle de 15 canots de sauvages Quenojibin de la nation algonquine, dont le pays était situé au sud de l'île des Allumettes. Il y eut un échange de paroles amicales entre les deux groupes, et Champlain réussit à obtenir un des leurs comme guide, et en retour, il leur confia un français qu'ils promirent de ramener au sault Saint-Louis avec une lettre de Champlain qu'il avait écrite sur une feuille de tablette, faute de papier. Puis, l'on se sépara, chacun allant de son côté. Chemin faisant, l'on aperçut la rivière qui vient des Ouachavini, une autre qui vient du nord, où se tiennent les Algonquins, une troisième qui vient du sud, où à son entrée il y a une chute d'eau admirable. Les sauvages passent dessous, par plaisir, sans se mouiller que du poudrin que fait la dite eau. Après avoir vaincu de grandes difficultés, les canotiers arrivèrent au pied d'un saut qui est large de 2 lieues et descend de 6 à 7 brasses de haut. Les sauvages l'appelaient Asticou, c'est-à-dire chaudière. Le 5 juin, l'on atteignit un grand saut qui comprend près de 3 lieues de large, où l'eau descend comme de 10 ou 12 brasses de haut en talus et fait un merveilleux bruit. L'on passa 2 autres sauts, puis on entra dans un autre lac de 6 à 7 lieues de long, où se décharge une rivière venant du sud. Les peuples qui l'habitaient étaient appelés Matou ou Escarini. On vint se reposer le 5 juin dans une des îles. Champlain fit planter à son extrémité, dans un endroit dominant, une croix avec les armes de la France. Il la nomma, pour cette raison, l'île Sainte-Croix. Le 6 juin, l'on quitta cette île et après avoir navigué une partie du jour, on dut se débarrasser des bagages et même d'une partie des provisions pour faire un portage long et extrêmement fatigant. À cet endroit, Champlain prit la latitude au moyen de son astrolabe et il dit qu'il a trouvé 46 degrés 2 tiers. Quelques lieues plus haut, l'on aperçut un lac de 6 lieues de long sur 2 de large où l'on fit rencontre d'un chef sauvage appelé Nibashi. L'arrivée des Français parut le surprendre. Ces naturels ne pouvaient s'expliquer comment ils avaient pu surmonter les difficultés d'une navigation aussi dangereuse. Il fallait un courage plus qu'ordinaire pour franchir cette succession presque ininterrompue de rapides de toutes dimensions, bordée de forêts vierges dont les fourrés étaient, pour le plus grand nombre, inaccessibles. Les sauvages des environs s'occupaient d'agriculture, récoltaient du maïs, mais la chasse était leur principale occupation, contrairement à la coutume huronne. Champlain visita leurs champs et leurs jardins. Avant de labourer la terre, il faisait brûler les arbres dont les pins constituaient la plus grande partie, et puis il semait le blé d'Inde, grain à grain, comme les Indiens de la Floride. À cette époque de l'année, 7 juin, il avait atteint environ 4 pouces de hauteur. Nibashi connaissait Champlain de réputation. Il entretenait une haute opinion de lui et il le fit bien voir quand il lui dit qu'il venait à bout de tout ce qu'il entreprenait, faisant allusion au voyage que notre illustre Français était à la veille de terminer. Le Sagamo offrit à Champlain de le conduire auprès de Tessouat, résidant à 8 lieues plus en amont, sur le bord d'un grand lac. La bourgade commandée par cet illustre capitaine que Champlain avait déjà rencontré à Tadoussac en 1603 était située près d'une île bien boisée de chênes et de pins, naturellement fortifié et qui, d'après Champlain, peut avoir 20 lieues de longueur sur 3 ou 4 de large. En revoyant Champlain, Tessouat ne put en croire ses yeux et crut rêver. Ce fut une vraie fête pour ce brave Indien que l'arrivée dans son pays d'un homme aussi distingué que ce Français, le plus grand qu'il eût connu. Champlain fit d'abord une exploration générale de l'île et rendit visite à tous les capitaines et principaux guerriers. Comme le terrain n'annonçait pas la fertilité, Champlain leur fit remarquer qu'il serait mieux dans bien d'autres endroits pour y cultiver le maïs. Ils firent réponse qu'ils avaient choisi cette île parce qu'elle était difficile d'accès. Ils la considéraient comme un boulevard à l'abri des ennemis. Cependant, ils étaient prêts à aller demeurer au Sault Saint-Louis, à côté des Français, qu'ils estimaient de bons voisins. Champlain leur dit que, pour cette année, il ferait seulement abattre le bois et casser de la pierre pour y bâtir un fort. À cette nouvelle, les sauvages poussèrent mille exclamations de joie. Rendez-vous leur fut donné pour le lendemain à la cabane de Tessouat, de l'autre côté de la rivière. Champlain vit pour la première fois, ce jour-là, un cimetière de sauvages, ce qui le jeta dans une telle admiration qu'il ne put s'empêcher de l'exprimer. Nous connaissons cette coutume, encore en vogue parmi les sauvages de l'Ouest, d'ensevelir les morts de peaux de castor ou d'autres robes de fourrure et de les mettre dans une caisse d'écorce qu'ils placent ensuite sur un échafaud au-dessus du sol. Au pied du mort, on rangeait des armes, quelques pains et une courge remplie d'huile. Cette manière de traiter les morts était particulière aux Algonquins et aux Hurons, car les Iroquois enterraient les leurs. À l'heure et au jour dit, les chefs de l'île étaient assemblés chez Tessouat. Chacun portait une écuelle de bois, Etsamikwan, prêts à faire honneur à la sagamité et aux divers ragoûts de poissons plus ou moins dégoûtants, accompagnés d'eau claire pour breuvage. La tabagie faite, chacun emplit son calumet de pétun. On en offrit un à Champlain, et puis l'on fuma en silence durant une bonne demi-heure. Champlain prit alors la parole et prononça un long discours que l'interprète Thomas traduisait dans leur langue. Il était venu chez eux pour leur assurer son amitié et leur affirmer, une fois de plus, qu'il désirait les assister dans leur guerre suivant sa promesse. Le roi de France lui avait ordonné de venir les voir afin de connaître la fertilité de leurs terres, d'explorer leurs lacs, leurs rivières et la mer qu'ils avaient dit exister dans leur pays. Comme il désirait se rendre chez les Nipissinguiens, il les priait de lui prêter 4 canots avec 8 sauvages pour les conduire. Ce discours terminé, ils recommencèrent à fumer au milieu d'une conversation tenue à voix basse, comme pour délibérer sur ce qu'ils diraient. Tessouat portait la parole au nom de tous. Nous t'avons toujours reconnu plus affectionné pour nous, s'adressant à Champlain, qu'aucun autre Français. La démarche que tu viens de faire, en risquant ta vie pour venir nous voir, est une preuve que tu es notre ami. Voilà pourquoi nous te voulons du bien, comme si tu étais l'un de nos enfants. Cependant, l'année dernière, tu as manqué à ta parole. 2000 sauvages sont allés au Sault Saint-Louis pour te rencontrer dans le but d'aller ensemble à la guerre et te faire des présents. Ne t'ayant pas vu, ils ont eu beaucoup de chagrin parce qu'ils te croyaient mort, comme on le leur avait dit. Les Français qui étaient au Sault n'ont pas voulu assister à nos guerres et quelques-uns d'entre eux nous ayant maltraités, nous avons résolu de ne plus descendre au Sault. Maintenant, nos guerriers, au nombre de 1200, sont dans le chemin de la guerre. Nous te donnerons 4 canots, mais tu as tort d'entreprendre ce voyage difficile. Les Népissiriniens sont des sorciers. Ils font mourir leur monde par des maléfices et par le poison, et ils sont nos ennemis. Ne compte pas sur eux pour la guerre, car ils n'ont pas de cœur. À cette harangue, dont la conclusion n'était pas rassurante, Champlain répondit qu'il voulait tout simplement visiter cette tribu et s'en faire l'ami, afin de mettre à exécution son projet d'atteindre la mer du Nord, qu'il n'ajoutait aucune croyance à leur sortilège, qu'il n'aurait aucun pouvoir sur lui, parce que Dieu l'en préserverait, qu'il connaissait les herbes vénéneuses et se garderait bien d'en manger. Sur ce, ils accordèrent les embarcations dont Champlain avait besoin pour remonter le cours de la rivière. Puis, il les quitta et consacra le reste du jour à se promener dans leurs champs, remplis de citrouilles, de facéoles, et de pois français. Pendant qu'il examinait la culture imparfaite des sauvages, le truchement Thomas s'était glissé au milieu d'eux et avait pu saisir l'expression d'un grand mécontentement au sujet du voyage de Champlain chez leurs ennemis. Ils étaient fermement convaincus que leur allié ne reviendrait pas vivant. Personne, maintenant, voulait l'accompagner. Valait mieux, disait-il, attendre l'année suivante afin de préparer une bonne escorte à Champlain. Ce changement de front consterna Champlain, qui se croyait à la veille de réaliser un rêve entretenu de longue date. Il courut à eux et leur dit qu'il les avait toujours considérés comme des hommes courageux et de francs alliés, mais qu'en cette circonstance, ils faisaient preuve de faiblesse et de duplicité et qu'il était plus simple de ne point faire trait d'amitié s'ils ne lui en donnaient pas de preuve. Puis, il finit par leur demander 2 canots et 4 sauvages seulement. Mais Champlain ne comptait pas avec l'entêtement de ces nations et encore moins avec leur ruse, car il n'était pas convaincu de ce qu'ils disaient. De nouveau, ils leur représentèrent la difficulté des passages, le nombre des sauts, la méchanceté de ces peuples et surtout leur crainte de le perdre pour toujours. Champlain leur répliqua qu'il était mécontent de leur peu d'amitié, qu'il avait amené avec lui un garçon et en même temps il désignait du Vigneau, qui, étant allé dans le pays des Népicériniens, n'avait pas trouvé ces peuples aussi mauvais. Tous se prirent à examiner le jeune Français et surtout Tessouat, avec qui il avait passé tout un hiver. Le vieux capitaine l'apostropha aussitôt en ces termes. « Nicolas, est-il vrai que tu as eu à avoir été aux Népicérinis ?»« Oui, j'y suis allé, » répondit-il. Alors, tous les sauvages se jetèrent sur Duvigneau en proférant de grands cris, comme s'ils eussent voulu le dévorer tout vivant. Puis, Tessouat reprit son interrogatoire. « Tu es un fief et menteur. Tu sais bien que tous les soirs, tu couchais dans ma cabane avec mes enfants et que tous les matins, tu t'y levais. Si tu as été vers ces peuples, c'est en dormant. Comment as-tu été assez imprudent pour avoir ainsi trompé ton chef par tes mensonges et aussi méchant pour lui faire risquer sa vie parmi ces sauvages? Tu es un homme perdu. Il devrait te faire mourir plus cruellement que nous le faisons à l'égard de nos ennemis. » Je ne m'étonne pas assez d'insistant, après le langage rassurant que tu lui as tenu. Ce fut au tour de Champlain à apostropher l'imposteur. Il lui enjoignit de répondre à ces gens-là. Mais Duvigneau resta muet et tout tremblant de peur. Champlain l'attira à l'écart et pour la dernière fois, il le conjura de lui dire franchement la vérité. Le misérable menteur affirma de nouveau qu'il avait vu la mer et la lui ferait voir si les sauvages voulaient lui prêter des canots. Sur l'entrefaite, Thomas vint avertir Champlain que les sauvages parlaient d'envoyer secrètement quelques-uns des leurs avertir les Népicériniens de son arrivée prochaine dans leur pays. Celui-ci courut trouver les sauvages et leur dit avoir rêvé, la nuit précédente, qu'ils avaient l'intention d'envoyer à son insu un canot chez leurs ennemis. C'était un moyen assez habile d'arrêter leur plan, car les Indiens, dans leur naïve crédulité, pouvaient s'imaginer que Champlain était doué d'une vue surnaturelle. Tout de même, ils se montrèrent scandalisés qu'il semblait se fier davantage à la parole de menteur qu'à celle de tant de capitaines amis. « Mais, leur dit Champlain, ne savez-vous pas que mon garçon est allé à la mer du Nord avec un des parents de Tessouat et que, du rivage, il a vu périr un vaisseau anglais dont l'équipage, composé de 80 marins, a été massacré par les Indiens? »« C'est un menteur, » s'écrièrent-ils. « Il faut le faire mourir. Qu'il nomme celui avec qui il a fait ce voyage. Qu'il donne les noms des lacs, des rivières et des chemins par où il a passé. » Duvigneau répondit qu'il avait oublié le nom de son compagnon de route, bien qu'il l'eût rappelé plus de 20 fois à Champlain, même le jour précédent. Quant au pays qu'il avait parcouru, il leur dit qu'il l'avait décrit sur une carte que Champlain lui fit interpréter aux sauvages. Ceux-ci le poussèrent à bout de questions, mais Duvigneau se retrancha de son mutisme absolu. Ne pouvant comprendre que ce jeune homme, qui n'avait jamais fait de voyage au Canada avant son séjour avec les Algonquins de l'île, eut inventé une carte aussi détaillée, Champlain voulut tenter une dernière épreuve. Cette fois, la situation était sérieuse et Duvigneau l'a compris. Les canots étaient prêts à partir et on n'attendait plus qu'un signe pour le mettre à l'eau. Alors, Champlain, l'interpellant encore, lui exposa tout ce qui s'était passé jusqu'alors, le voyage pénible qu'il avait fait, sans compter celui qui se présentait sous des couleurs peu riantes. « J'ai tout oublié, » lui dit-il. « Fatigue, ennui, tracasserie. Nous allons continuer notre route, mais je t'avertis que si tu m'as trompé, tu seras pendu et étranglé sans miséricorde. » Duvigneau réfléchit pendant quelques instants, puis, se jetant aux genoux de Champlain, il lui demanda pardon de l'avoir trompé. Tout ce qu'il avait affirmé sous sa parole était de la fantaisie. Il n'avait jamais vu cette mer, il avait eu recours à cette ruse pour revenir au Canada. Transporté de colère, Champlain ordonna à cet effronté menteur de disparaître à ses regards. À la demande de Champlain, Thomas le fut parler afin de savoir quelle direction il prendrait. Il déclara que si Champlain consentait à le laisser derrière lui, il irait à la découverte de la mer en question, dût-il en mourir à la peine. Dans l'intervalle, Champlain avait raconté au sauvage la scène qui venait d'avoir lieu entre lui et Duvigneau. Après lui avoir reproché son peu de confiance dans leurs paroles, ils ajoutèrent « Ne vois-tu pas qu'il t'a voulu faire mourir? Donne-le-nous, et nous te garantissons qu'il ne mentira plus. » Champlain leur défendit de lui faire aucun mal, car il voulait le ramener au sceau, pour voir la figure qu'il ferait en présence des messieurs de la traite auxquels il avait promis d'apporter de l'eau salée. Champlain comprit qu'il était inutile de passer outre pour n'arriver peut-être à aucun résultat, car cette mer pouvait bien n'exister que dans l'imagination des sauvages. En tout cas, il y avait trop de risques à poursuivre un voyage déjà bien pénible, et en s'aventurant dans la direction que lui indiquaient les plus forts en sciences géographiques, ce n'eût été qu'une expédition ébauchée, et conséquemment à refaire. Avant de dire adieu au bon vieux Tessouat, il invita les sauvages à venir au sceau Saint-Louis, où il attendait quatre vaisseaux chargés de marchandises de traite. Pour dernier souvenir à cette terre et à ses peuples, qu'il ne devait revoir que quelques années après, Champlain fit ériger sur le bord du lac, dans un endroit proéminent, une grande croix de cèdre blanc, sur laquelle il avait gravé les armes de la France, avec injonction aux sauvages de le conserver intact s'ils voulaient vivre en paix avec leurs voisins. Sinon, il leur arriverait malheur. Le 18 juin, les Français prirent congé de Tessouat, lui firent quelques présents, et Champlain lui promit, si Dieu lui conservait la santé, de revenir l'année suivante avec une bonne escorte de guerriers. Le vieux Sagamo s'engagea de son côté à réunir une grande armée pour la même époque, et il confia son fils à Champlain pour lui servir de guide jusqu'à la fin de son voyage. 40 canots à la fois partirent de l'île, avec des fourrures en assez grande quantité. En chemin, ils virent s'adjoindre à eux 9 grands canots de Wisharini, montés par 40 hommes forts et puissants, et plus loin, une dizaine d'autres, lesquels réunis aux 20 qui avaient pris les devants, formaient un contingent de 80 embarcations. La descente s'opéra à petite journée, et non sans rencontrer les mêmes embarras que dans la montée. Au saut de la Chaudière, les sauvages se livrèrent à une cérémonie que Champlain rapporte avec des détails minutieux. Après avoir porté leur canot au bas du seau, ils s'assemblent en un lieu où un d'entre eux, avec un plat de bois, va faire la quête et chacun d'eux met dans ce plat un morceau de pétain. La quête faite, le plat est mis au milieu de la troupe et tous dansent alentour en chantant à leur mode. Puis, un des capitaines fait une harangue remontrant que dès longtemps qu'ils ont accoutumé de faire telle offrande et que par ce moyen ils sont garantis de leurs ennemis et qu'autrement ils leur arriveraient du malheur ainsi que leur persuade le diable et vivent dans cette superstition. Cela fait, le harangueur prend le plat et va jeter le pétain au milieu de la chaudière et font un grand cri tous ensemble. Ces pauvres gens sont si superstitieux qu'ils ne croiraient pas faire bon voyage s'ils n'avaient fait cette cérémonie en ce lieu, d'autant que leurs ennemis les attendent à ce passage, n'osant pas aller plus avant à cause des mauvais chemins, et les surprennent là, ce qu'ils ont quelquefois fait. La flottille arriva au sceau le 17 juin. Le capitaine Lange, qui était l'homme de confiance de Champlain, l'informa que le sieur de Maisonneuve, de Saint-Malo, était arrivé avec 3 vaisseaux et qu'il était muni d'un passeport du prince de Condé lui permettant le trafic avec les sauvages. Il fut en conséquence décidé entre Champlain et ces derniers que la traite se ferait avec tous les capitaines de Patache indistinctement. Puis, ayant fait venir Duvigneau en présence des sauvages et des Français réunis, il lui fit avouer ses impostures. Le misérable demanda grâce encore une fois et promit de réparer sa faute en tâchant de découvrir la mer du Nord. Champlain lui pardonna à cette condition. Pendant son absence, les Français avaient passé le temps à chasser dans le voisinage et chaque jour ils abattaient 5 ou 6 cerfs. Le jour de la Saint-Barnabé, Duparc et 2 de ses compagnons en tuèrent 9. Ils avaient vécu ainsi de tourtes, qui étaient en nombre incroyable, et du produit de leur pêche. Aussi, s'écrie Champlain, étaient-ils tous au meilleur point que moi, qui étaient atténués par le travail et la fâcherie que j'avais eue, et n'avaient le plus souvent mangé qu'une fois le jour, de poissons mal cuits et à demi rôtis. La traite terminée, Champlain pria les sauvages d'emmener avec eux deux jeunes Français afin de leur faire connaître leur pays, mais à condition de les ramener l'année suivante. Ils ne voulurent pas d'abord, craignant qu'ils ne tinssent une conduite aussi méprisable que celle de Duvigneau, mais ils finirent par céder devant les reproches de Champlain, qui leur représenta que leur refus équivaudrait à de l'inimitié. Or, ils tenaient à vivre à bon terme avec lui. Quant à Duvigneau, personne n'en voulut, et Champlain l'abandonna à la garde de Dieu. N'ayant plus rien à faire au pays, Champlain résolut de s'embarquer dans le premier vaisseau qui ferait voile pour la France. Le sieur de Maisonneuve lui offrit passage sur le sien. Cette offre fut acceptée. Il partit accompagné de l'ange le 27 juin, laissant au sceau les autres patachs qui attendaient que les sauvages fussent de retour de la guerre pour compléter leurs négociations. Le navire Malouin partit de Tadoussac le 8 juillet, sortit de Gaspé le 18 et arriva à Saint-Malo le 28 août. Le premier soin de Champlain fut de s'aboucher avec plusieurs marchands de cette ville en vue de former, avec leur coopération, une société puissante, laquelle, grâce à des privilèges spéciaux, pourrait tirer de la Nouvelle-France des avantages matériels innombrables. En terminant ce chapitre, nous nous écrirons avec Champlain « Dieu, par sa grâce, fasse prospérer cette entreprise à son honneur, à sa gloire, à la conversion de ses pauvres aveugles et au bien et honneur de la France. » Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 15 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.